J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Figaro, les morts par Jules Vallès. C'est aujourd'hui que les trépassés donnent audience aux vivants. Aujourd'hui qu'on va leur porter des fleurs et les saluer au cimetière. Moi, j'irai visiter les tombes sur lesquelles personne ne viendra pleurer. J'irai saluer d'un dernier adieu ces inconnus enterrés pêle-mêle dans la fosse commune, que n'a point, à vrai dire, enlevé la mort, mais qu'a tué la vie. Les morts dont je parle n'ont point été assassinés, mais brisés, écrasés par la fatalité. Le monde n'a jamais vu dans les malheureux que des révoltés. La misère ne lui apparaît qu'à travers le brouillard pâle des philanthropies ou la fumée rouge des révolutions, l'écume aux lèvres, la poudre aux mains. À côté de cette misère classique qui a une histoire, il y en a une autre. La vraie, l'affreuse, l'horrible. Je veux parler de celle qui n'a point de drapeau, ne jette point de cris ni d'éclairs, de celle qui tue ses victimes à petit feu, de celle qui, tous les ans, couche dans la poussière et dans la boue un bataillon d'hommes, qui, après avoir éteint la flamme dans le cerveau, brisé le cœur dans la poitrine, dévore les poumons, boit le sang. Oui, il y a dans ces cimetières des cadavres de gens qui ne sont point morts pour avoir abusé de la vie, point mort de maladie ou de vieillesse, de douleur ou d'amour, mais mort de froid, mort de faim. À peine on en compte un cependant qui, dans cette vie de privation et de souffrance, se soit écarté du devoir et violé la loi. Ils ont laissé par les chemins des lambeaux de leur fierté, mais ils ont encore le droit de porter le front haut. L'honneur ne s'est point échappé par le trou des blessures, et c'est ainsi qu'elles s'écoulent les vertes années dans le doute, l'amertume et le désespoir. Ainsi se passe la jeunesse, et l'on a déjà les cheveux gris, l'estomac ruiné, le cœur fané, qu'à peine on a 30 ans. Elle vient tout tuer, cette misère, l'amour comme l'ambition. Ni fleur, ni parfum, ni maîtresse. Ah, plaignons-les, ces jeunes hommes étendus là, dans le cimetière, qu'une femme n'a jamais consolé avec sa grâce, aimée avec son cœur, qui à leur lit de mort au moment de sombrer, quand ils ont senti qu'ils en avaient fini avec la vie, n'ont eu personne à leur côté pour apaiser leurs regrets aux portes du néant. Le monde croit peu à ces existences lamentables, à ces fins sinistres. C'est leur faute, crie notre égoïsme gêné par ce spectacle et ces images. Qui nous l'a dit? Savons-nous ce que fut leur enfance? Comment s'est passée leur jeunesse? À quelle heure ils firent naufrage? Comment ils se sont perdus, corps et âme, dans cette tempête sans éclair? Et pour cela, faut-il qu'ils meurent? Nous n'affamons pas les prisonniers, nous ne tuons pas les fous, qu'ils deviennent fous ou qu'ils tuent. Il aura un lit et du pain. D'ici là, il se traînera, malade, enlaidi, épuisé, humilié. Mettez un homme dans la rue avec un habit trop large sur le dos, un pantalon trop court, sans faux col, sans bas, sans un sou. Eût-il le génie de Machiavel, de Talleyrand, il sombrera dans le ruisseau.